Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. Un escroc de nationalité congolaise est dans les mains de la police depuis ce dimanche. La police indiquait qu'il s'apprêtait à escroquer 1 700 $ américains à la patronne de l'église vivante Rohero. Et la majorité de la population burundaise vit avec moins de 2 $ américains par jour. L'agence onusienne pour le développement PNUD au Burundi appelle à la conjugaison des efforts pour trouver solution à cette préoccupation. Et un pêcheur a été tué samedi dernier par un hippopotame dans les eaux du lac Tanganyika, dans la localité de Kabezi. L'administration sur place parle d'une dizaine de personnes déjà tuées de la même manière depuis le début de cette année. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, la majorité de la population burundaise vit avec moins de 2 dollars américains par jour. Cela, selon la représentante de l'agence onusienne pour le développement PNUD au Burundi, on doit s'unir pour trouver solution à cette préoccupation. Nathalie Boucli l'a indiqué dans un communiqué sorti ce lundi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, n'est-ce pas, Mireille Kanyang? Cette journée est célébrée sous le thème de l'humiliation et l'exclusion à la participation, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Dans un communiqué sorti ce 17 octobre par l'agence onusienne pour le développement PNUD de Burundi, la directrice pays fait savoir que la pauvreté ne résulte pas du manque d'un seul facteur, mais plutôt de l'absence accumulée de nombreux facteurs étroitement liés les uns aux autres et qui affectent la vie des personnes. Nathalie Boucli indique en outre que la pauvreté ne signifie pas l'absence du revenu pour assurer le bien-être de chacun, tel est la nourriture, le logement, etc., mais qu'il faut comprendre la pauvreté sous toutes ses formes. La directrice pays du PNUD au Burundi rappelle qu'il faut tenir compte de l'humiliation et de l'exclusion que de nombreuses personnes dans la pauvreté se voient contraintes d'endurer. C'est à travers ce communiqué qu'elle affirme que la majorité des Burundais vit avec $1.25 par jour, d'où il faut s'unir pour répondre aux besoins et aux aspirations de tous dans le souci des générations actuelles et futures. Quant à l'administrateur du PNUD au niveau mondial, elle informe que depuis 1990, l'extrême pauvreté a été divisée par deux. Hélène Clark explique que certains gouvernements ont marqué un pas au moment où de nombreux pays ont encore du chemin à parcourir pour atteindre les principales cibles des objectifs du millénaire pour le développement. Merci à Mireille Kanyang, un escroc de nationalité congolaise et dans les mains de la police depuis ce dimanche. Le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, indique qu'il a été arrêté à Kinindo alors qu'il s'apprêtait à escroquer 1 700 $ américains à la patronne de l'église vivante Rohero, en se faisant passer pour un émissaire de la fondation Robinson Donald, une fondation qui appuie les églises vivantes en Afrique. On écoute. C'était hier soir, aux environs de 16 heures. La police nationale du Burundi a pu mettre la main sur l'un des criminels escroqués au père à réseau, répondant au nom de Philippe Omba. On l'a arrêté au moment où il était à l'hôtel Sebrodolik. Auparavant, il disait qu'il venait de l'Europe et qu'il est de nationalité gabonaise. Et il avait comme mission de venir escroquer une pasteur de l'église vivante de Lorelo, répondant au nom de Caritas Nougou. Criminel a entré en contact avec madame. Et madame a ensuite alerté la police. Il disait qu'il était envoyé par une organisation, Robinson Donald, qui était chargée de financement des églises vivantes en Afrique. Mais en réalité, c'est un escroc de nationalité congolaise et il avait à sa possession des faux documents. Une badge qui atteste qu'il est un agent des Nations Unies. Il accepte qu'il était venu avec un message à adresser à cette dame. Ce criminel est d'abord à cette dame de débloquer 1 700 $ pour les formalités de décaissement et de transfert des dons que cette organisation allait confier à cette église. Nous voudrions d'abord remercier cette dame qui a aussitôt arrêté la police. Et les enquêtes sont en cours pour arrêter d'autres. Moïse Nkurunziza, il est porte-parole de la police nationale. Un pêcheur a été tué dans les eaux du lac Tanganyika à l'aube de samedi de la semaine dernière. Nous sommes dans la commune Kabezi, en province Bujumbura. Les informations recueillies auprès du chef de Corine Kabezi indiquent que les pêcheurs estimés à 10 sont déjà tués par les hippopotames depuis le début de cette année. La radio Isanganiro a dépêché sur place Evariste Nzikobanyanka son reportage. Ce pêcheur connu sous le nom de Mile Mboninkankuye de la colline Kabezi sous colline Mugongo a été tué par un hippopotame trop tôt le matin de samedi passé lorsqu'il exerçait son métier dans les eaux du lac Tanganyika, indique sa famille. Son corps, son vie déchiqueté par cet animal a été retrouvé ce dimanche flottant sur les eaux du lac Tanganyika côté zone Migira de la même commune de Kabezi. Dans la famille du disparu, c'est le deuil. Les membres de cette dernière se demandent comment ils vont vivre au moment où cet homme, qui leur était un élément moteur, le chef de colline Kabezi, qui regorge beaucoup de pêcheurs, confirme que les hippopotames constituent une menace ces derniers jours à l'endroit des pêcheurs. Albert Naïzeye indique que presque 10 personnes sont déjà tuées par les hippopotames depuis le début de l'année en cours. Ce chef collinaire pense que ces pêcheurs seraient victime de manque de pâture au bord du lac Tanganyika dont se servaient ces animaux au cours des années passées. Dans la famille du disparu qui laisse 3 enfants, l'on demande à tout homme charitable et à l'administration communale de Kabezi de lui venir en aide. Depuis Kabezi, Evariste Nzikobanyanka, Radio Isanganiro. Merci à Evariste Nzikobanyanka de Kabezi. Nous nous rendons à Bururi où certains parmi la population de Mutobo, nous sommes en commune Mugamba de la même province de Bururi, qui ont participé dans l'enterrement de 2 corps des personnes tuées le mercredi de la semaine dernière, craignent pour leur santé. Cet enterrement est intervenu au 3e jour sans aucune mesure d'hygiène alors que ces corps commençaient à se décomposer. Anissé Niozima, administrateur communal de Mugamba, dit qu'il va en parler avec les médecins pour arrêter des mesures conséquentes. Le point avec Jean-Pierre Misago. C'est le soir de ce vendredi qu'ont été enterrés les 2 corps des présumés bandits tués lors des affrontements de ce mercredi matin à Mutobo, alors qu'ils se décomposaient déjà selon ceux qui ont été forcés de procéder à cet enterrement. Ils indiquent qu'ils ont creusé des trous près de ces corps et ont utilisé des roues sans les toucher, mais ils craignent qu'ils auraient respiré de l'air contaminé. Par ailleurs, la façon dont ces corps non désinfectés préalablement ont été enterrés présage leur exhumation par les eaux de ruissellement et cette population demande d'être protégée. Selon le médecin provincial de Bururi, ces inquiétudes des habitants de Mutobo sont fondées car un corps qui n'est pas dans une chambre froide subit une nécrose à partir de 24 heures et constitue du coup un danger à la santé publique. Anissé Niozima, administrateur communal de Mugamba, informe que le retard dans l'inhumation de ces corps a été dû au fait que l'un d'eux a été reconnu et sa famille a été contactée pour procéder elle-même à l'enterrement d'un de leurs et un appel à laquelle cette famille n'a pas répondu. L'administrateur communal de Mugamba promet tout de même de saisir dans les meilleurs délais les médecins afin d'intervenir dans cette localité. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. De Bururi, nous nous rendons à Muyinga où plus de 20 tonnes de calcaire de l'Omitique ne sont pas encore retirées par les agriculteurs qui les ont commandées en province Muyinga. À la direction de l'agriculture et de l'élevage de cette province, l'on indique qu'un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé aux agriculteurs pour récupérer l'engrais commandé et ce calcaire corrigeant l'acidité des sols cependant peu utilisé dans cette province. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. 25 tonnes de lomi restent dans les dépôts après l'expiration des délais de paiement dans le cadre du programme national de subvention des engrais chimiques. Ce produit corrige l'acidité des sols. Jean Bosco Ndayizé est chargé de la mobilisation agricole en province de Muyinga, invite les agriculteurs à continuer à récupérer les engrais commandés et son calcaire dolomitique. Un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé. D'après son responsable, une partie des agriculteurs n'ont pas encore adopté l'usage de la dolomie à part cette tonne non encore récupérée. Au total, 251 tonnes avaient été commandées, moins de 50% des besoins au regard de la carte sur l'ampleur de l'acidité des sols dans cette province. Environ 30% des sols cultivés sont acides au Burundi au regard d'une étude faite en 2013. L'acidité affecte la disponibilité des éléments nutritifs pour les racines, diminue l'activité microbienne dans le sol et donc la vitesse de minéralisation et enfin diminue le développement des racines et la croissance des plantes. D'où le besoin de continuer la fertilisation des sols tout en appliquant cette étholomie avec un grand pouvoir de neutralisation de l'acide. Dieudonné Nzeyimana, Uyinga Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Retour à Bururi où les habitants de la colline Kajondi dans la commune Rutovu de la province de Bururi ont passé une nuit cauchemardesque suite au coup de feu entendu sur cette colline ce dimanche vers minuit. La police à Bururi informe qu'il s'agissait des bandits armés qui voulaient cambrioler une boutique de cette localité, mais qui sont rentrés bredouille. L'intervention de la population et des forces de l'ordre ayant été rapide. Sur la page sportive, l'équipe Vitalo a décroché ce samedi la première victoire à la sixième journée depuis le début du championnat national en province, en première division. C'est après que cette équipe ait perdu le premier match du championnat et égalisé 4 fois d'affilée. Cela étant, les formations d'Atlético Olympique et Lydia Ludique Burundi ont perdu les matchs de ce dimanche sur la pelouse du Prince Louis Guagasore. L'actualité sportive avec Balan Javierimana. Le championnat national de football, Premier League, était ce week-end en sa sixième journée. Samedi 15 octobre, 6 matchs ont eu lieu dans différents terrains à travers le pays. Au stade Prince Louis Guagasore à 14h, Interstar, deuxième au championnat, a battu Rusizi de Chibitoke sur un score d'un but à 0. À 16h, au même stade, l'équipe tenante du titre, Vitalo FC, a douché Muzinga sur un score de 4 buts à 1. Cette victoire de Vitalo, la première depuis le début du championnat, l'a permis de gagner 5 places au championnat, quittant la 12e vers la 7e position. Sur le terrain du centre technique national à 15h, Messager Bujumbura fait un match nul et vierge avec Messager Ngozi. À Makamba, au stade Peace Park Stadium de Gisenyi, Aigle Noir des Fighters a fait une bonne opération en battant Olympic Star de Muinga en difficulté sur un score d'un but à 0. À Ruigi, les visités de Flambeau de l'Est se sont contentés d'un match d'un but partout avec les lières de Bujumbura. En Ngozi au stade Agasaka, Ngozi City a fait un match nul et vierge avec Musonga TFC de Gitega. Les deux dernières rencontres de la sixième journée se sont jouées au stade Prince Louis Guagasore ce dimanche. À 14h, LLB a été surpris par Magara Star. L'équipe qui occupe la première place du championnat en cours a été battue sur un score d'un but à 0. À 16h, Atlético Olympique a été tenu en échec par Bujumbura City sur un score d'un but à 0. Suite au préparatif de l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba pour le tournoi de la CECAFA prévu le mois prochain au Kenya, les matchs de la première ligue sont programmés au milieu de la semaine. Ce mercredi 19 octobre sont prévues les rencontres de la 7e journée ou à 14h au stade Prince Louis Guagasore, Interstar Akira Atlético Olympique et à 16h il y aura un choc de la semaine entre Vitalo et LLB. Au centre technique national à 14h, Magara Star jouera contre Ngozi City et à 16h, les Lières s'opposeront à Bujumbura City. À Muinga, 15h, Olympic Star affrontera Messager Bujumbura. À Gitega, Musongati se mesurera contre Muzinga. À Ngozi, au stade Urukunda, 15h, Messager Ngozi accueillera Aigle Noir des Fighters, tandis qu'à Chibitoke, au stade de Uganda, Rusizi croisera le fer contre Flambeau de l'Est. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, le Premier ministre irakien lance l'opération de Mossoul. L'armée et la police doivent entrer seules pour reprendre cette grande ville du nord du pays, longtemps tenue par les djihadistes. Au Nigeria, une dizaine d'islamistes chiites ont été tués en moins d'une semaine dans plusieurs localités du nord et du centre du pays. On vous parlera également de la mort du dernier monarque du Rwanda, Kigeli V, qui vivait en exil aux États-Unis, n'est-ce pas, Francine Ndirokubwai? À la une de l'actualité africaine, la mort de Kigeli V, dernier roi du Rwanda, il vivait en exil aux États-Unis depuis 1992. Il s'est éteint dimanche 16 octobre, une information confirmée par l'un de ses proches. Il avait 80 ans. Jean-Baptiste Ndahindugwa, c'est son nom de baptême. passé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, il s'installe aux États-Unis dans les années 90. Le dernier journaliste américain qui a rencontré le monarque est déchu dans son exil de la banlieue de Washington, décrit un vieil homme vivant humblement grâce aux aides sociales américaines et aux dons de la diaspora. Au Gabon, c'était samedi 15 octobre. Officiellement le dernier jour du premier mandat d'Ali Bongo à la présidence. Il a déjà prêté serment pour son second mandat fin septembre suite à sa réélection contestée, mais néanmoins validée par la Cour constitutionnelle gabonaise. Son adversaire à la présidentielle, Jean Ping, qui continue de se déclarer vainqueur, a donc choisi cette journée symbolique pour adresser un message à la diaspora gabonaise dans lequel il s'affirme comme en résidence surveillée, restreint donc dans sa liberté. Des accusations catégoriquement démenti par les autorités gabonaises. Au Nigeria, deux chiites ont été tués ce week-end suite à un raid d'un groupe sunnite à Kaduna, un état du nord du pays. C'est la deuxième fois à moins d'une semaine que des membres de cette communauté musulmane sont tués suite à des violences. Mercredi dernier, 12 octobre déjà, des attaques avaient laissé sans vie au moins une dizaine de victimes dans plusieurs localités du nord et du centre du Nigeria. Les tensions montent vis-à-vis de cette communauté, notamment dans plusieurs états du nord du pays. En Irak, l'opération pour reprendre Mossoul est lancée. Le premier ministre irakien l'a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi. Cette opération vise à reprendre la grande ville du nord de l'Irak, tenue par les djihadistes de l'organisation État islamique depuis juin 2014. Le premier ministre irakien a précisé que seule l'armée et la police entreraient dans la ville. Un haut responsable de l'ONU s'est déclaré dimanche extrêmement préoccupé pour la sécurité de la population qui pourrait être touchée par les opérations militaires pour reprendre la ville. Francine Ndirokoboyo, c'est sur cet élément que nous bouclons son journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Un escroc de nationalité congolaise est dans les mains de la police depuis ce dimanche. La police indique qu'il s'apprêtait à escroquer 1700 dollars américains à la patronne de l'église vivante Rohero. Et la majorité de la population burundaise vit avec moins de 2 dollars américains par jour. L'agence onusienne pour le développement PNUD au Burundi appelle à la conjugaison des efforts pour trouver solution à cette préoccupation. Et un pêcheur a été tué samedi dernier par un hippopotame dans les eaux du lac Tanganyika dans la localité de Kabezi. L'administration sur place parle d'une dizaine de personnes déjà tuées de la même manière depuis le début de cette année. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.